France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une question en forme de devinette qui fut capable de mobiliser à la fois Brigitte Bardot, Golda Meir et Ben Bella, d'ensorceler Simenon, Colette et Le Corbusier et de partager l'amitié de Fidel Castro, de Martin Luther King et du général de Gaulle. Ni vous ni moi, non, il fallait pour cela un personnage hors norme. En l'occurrence, une passionnaria, une femme d'exception, que dis-je, une icône, statue qu'il a amenée jusqu'au Panthéon, où sa dépouille a été transférée le 30 novembre dernier. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Joséphine Baker, première artiste noire à reposer dans le sein des saints du 6e arrondissement de Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, pour cette femme. L'idée avait été suggérée par Régis Debray en 2013. François Hollande n'avait pas donné suite, mais Emmanuel Macron aurait déclaré « ça, ça a de la gueule ». Alors, un coup politique, peut-être. Un hommage, surtout probablement sincère, à celle qui avait deux amours, son pays et Paris. Nos invités aujourd'hui, Katalé Boquet, auteur du roman graphique Joséphine Baker, paru chez Casterman en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Washington, 28 août 1963. Martin Luther King mène sa marche contre les discriminations raciales, une manifestation qui réunit 250 000 personnes et qui avance du Washington Monument jusqu'au Lincoln Memorial. En tête de cortège, le pasteur s'apprête à prononcer son discours mythique, son fameux « I have a dream ». Un discours qui marque l'histoire et permet un an plus tard le vote du Civil Rights Act, une loi censée mettre fin à toute forme de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Une date clé pour l'Amérique, un principe fondamental sur lequel pourtant des policiers blancs se sont copieusement assis, aujourd'hui encore. Ce jour-là, avant que Martin Luther King ne prenne la parole, une femme noire d'une cinquantaine d'années s'avance. Elle porte des lunettes rectangulaires et surtout une veste militaire des forces françaises libres sur laquelle sont épinglées de nombreuses médailles. Cette femme, c'est Joséphine Baker. Peu la reconnaissent parmi les manifestants, mais elle, elle les connaît plus précisément, elle connaît leur combat. Elle sait pourquoi elle scande « Freedom now »,« Liberté maintenant ». Alors, elle teste les micros d'un geste professionnel, puis déclare « Je veux que vous sachiez que c'est le plus beau jour de ma vie entière ». Un grand jour, expliqué ici au micro de Michel Texier pour Interactualité. Tous ces hommes d'ensemble, de tous les pays du monde entier, tout le monde est venu aujourd'hui pour se présenter en frère, tous ensemble, de toutes les couleurs. Et je suis heureuse parce que ça, pour moi, ça m'a donné raison d'avoir combattu pour cette merveilleuse victoire pendant les longues années. Et je suis la femme la plus heureuse du monde parce que ça présente exactement ce que mes enfants sont, c'est-à-dire la fraternité humaine et le droit de l'homme. Pensez-vous, Joséphine Baker, que cette manifestation aura des résultats immédiats et positifs? C'est certain, vous savez, ils sont déjà... C'est une chose faite, ça. Maintenant, c'est le temps qui va faire le reste. Mais j'en suis sûre, quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est fait. Oui, c'est fait. Mais qu'il fut long le chemin à parcourir pour imposer aux Blancs l'idée qu'ils ne sont pas supérieurs aux Noirs et donner aux Noirs l'audace de s'émanciper. Ce chemin commence à 1500 km de Washington et de ses fastes, à Saint-Louis, dans un Missouri ségrégationniste, où elle naît le 3 juin 1906 en tant que Freda Joséphine McDonald. Sa famille, d'origine afro-américaine, vit dans la misère. Sa mère a été abandonnée par son père, un danseur d'origine espagnole, car à l'époque, on n'épouse pas une noire lorsqu'elle est un blanc. Alors, cette naissance est une disgrâce. La petite fille est donc élevée par sa tante et sa grand-mère qui lui disent « Être une femme noire, c'est vivre entre ce qu'il est interdit de faire et ce qu'il est impossible de faire. » comme ça c'est clair. À 7 ans, on l'envoie faire les ménages et garder les enfants des familles blanches où elle est maltraitée, évidemment. Et puis il y a cette nuit horrible de juillet 1917, lorsqu'elle entend des membres du Ku Klux Klan lancer une expédition punitive dans son quartier. Sombres années, desquelles elle tente de se défaire en se mariant, à 13 ans, avec un jeune ouvrier, dont elle divorce un an plus tard, après lui avoir jeté une bouteille sur la tête. L'insouise, déjà. D'autant qu'il y a ce terrible adage auquel elle se réfère. Quand on est une jeune fille noire, il n'y a que trois façons d'échapper à la misère. Devenir pute, boniche ou girl. Elle choisit la troisième option. Et se remarie, à l'âge de 15 ans, avec Willie Baker, qui travaille chez Pullman et dont elle gardera le nom. Telle jeune Samila dans la strada, elle intègre une troupe de théâtre où elle apprend à jouer du trombone en remuant les fesses en cadence. Et elle est douée tant et si bien qu'elle décide de tenter sa chance ailleurs. Alors exit le deuxième mari, direction Broadway. Sa mère déclare, si elle a choisi sa vie, laissons-la faire. New York 1922. Joséphine tente de se faire une place sur la scène du cabaret de Plantation, copie conforme du Cotton Club. Mais elle n'est pas encore une étoile. Loin de là. Trop petite, trop maigre, trop foncée. On ne lui offre qu'une place de costumière qu'elle accepte en attendant son heure. Et un soir, enfin, coup de chance, la danseuse Ethel Waters tombe malade. Alors Joséphine la remplace et donne le meilleur d'elle-même. Et surtout, surtout, elle ignore que dans la salle, une femme blanche tombe sous son charme. Cette femme, c'est Caroline Dudley. Elle va bouleverser sa vie. Elle se souvient ici, sur France 3. Oh oui, elle était incroyable et merveilleuse. Elle n'avait que 18 ans et c'était un enfant qui avait beaucoup souffert. Et ma foi, moi, j'ai vu tout de suite qu'elle était une danseuse de toute beauté et en plus que ça, un clown. À la fois beauté et clown, Joséphine tape dans l'œil de la productrice fan de jazz qui est justement à New York pour recruter 13 danseurs et 12 musiciens. Le but, les montrer à un public parisien friand de nouveautés de jazz. Sidney Bechet, qui vient d'être recruté, encourage Joséphine à les rejoindre. Nous sommes en 1925, Mademoiselle Baker n'emmène pas large. Elle n'a que 19 ans, mais elle saisit sa chance. Faites-les rire et soyez chic, lui conseille un serveur après une soirée arrosée. Alors elle se lance, la troupe embarque sur le Berengaria le 13 septembre et arrive à Cherbourg une semaine plus tard. Souvenir de l'intéressé 30 ans après. Ben, je suis venue sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur. Oui, pour elle, Paris est un soleil, comme elle le raconte dans sa biographie « Mon sang dans tes veines ». J'ai été stupéfaite d'être traitée comme une égale par les Blancs et de pouvoir me mélanger avec eux. Partout, on nous accueillait avec le sourire, témoigne-t-elle. Et voilà comment Joséphine découvre qu'à Paris, on est d'abord américain avant d'être blanc ou noir. Américain et chanceux. Car à l'époque, le taux de change est incroyablement bas. 24 francs pour un dollar. De quoi mener la grande vie. Surtout que la capitale française nage en pleines années folles. Chacun veut oublier les horreurs de la guerre. Alors on s'enivre de fêtes. Pour mesurer précisément ce que fut cette époque, c'est tout simple. C'est exactement le contraire de celle d'aujourd'hui. Joséphine débarque dans une société entièrement tournée vers le plaisir et l'insouciance. Sur scène, Stravinsky, Diaghilev ou Isadora Duncan rivalisent de modernité. Ainsi, 43 000 Américains débarquent en quête de plaisir ou d'une nouvelle vie. Et parmi eux, Joséphine. Toutefois, lorsque les directeurs du théâtre des Champs-Élysées assistent aux répétitions, ils décrètent que le spectacle est trop prude. En somme, trop wasp, pas assez africain pour les Parisiens. Le chorégraphe Jacques Charles est appelé à la rescousse. Il a 3 jours pour tout changer. Avec en premier lieu la place de Joséphine, en qui il voit l'incarnation des canons de l'époque. cheveux courts et plaqués à la garçonne, air canaille et ligne élancée, c'est elle qu'il faut mettre en avant. D'ailleurs, demandons-lui de se dénuder encore un peu. Joséphine refuse, avant de comprendre qu'il s'agit là d'incarner, même de transcender les fantasmes et les clichés propres à la femme noire. Alors elle accepte. Politique et art ne font qu'un, et du haut de ses 19 ans, Joséphine le comprend. L'artiste Paul Colin, en charge de l'affiche, ne s'y trompe pas, lui non plus, et met en avant cette beauté noire aux allures de panthère. La musique maintenant. Eh bien, le compositeur Jacques Charles la transforme également. Car enfin, que cette partition est sage. Va pour l'ouverture aux accents de Harlem. Oui, mais après. Le blues s'efface pour puiser une puissance nouvelle dans ses racines africaines. L'œuvre se libère. Le décor enfin, conçu par Miguel Covarrubias, l'illustrateur du New Yorker et du Vanity Fair, il déploie des panneaux extravagants composés de jungles, de bateaux à vapeur, de gratte-ciel et de publicités pour Lucky Strike. Joli bazar, charmant Barnum. Octobre 1925, soir de la première. Intrigués par l'affiche et la rumeur, les Parisiens viennent en nombre. Parmi eux, Robert Lesnos, Blaise Sandrard, Picabia. Sous leurs yeux, Joséphine déploie son talent et son charisme. Immédiatement, cette revue nègre, on l'appelait comme ça, fait l'effet d'une bombe. Ce mélange de jazz, de cubisme, d'urbanisme et d'exotisme tropical, les Parisiens n'avaient jamais vu ça. D'autant que le show se conclut par une danse sauvage où Joséphine Saint-Nu se déhanche contre son partenaire. Est-ce la musique qui la gouverne ou elle qui la régit? Le choc est total. Les sifflets se mêlent aux applaudissements comme au temps du Sacre du Printemps. Pour les modernes, Joséphine incarne le renouveau artistique dont l'Europe a besoin. Mais pour les anciens, elle représente une forme de décadence. Ainsi, la revue Candide s'offusque. Triomphe de la lubricité, retour aux mœurs des premiers âges. Toutes les époques traînent leur cortège de réac, pudibond moraliste. Pire, certains parlent de crépuscule des nations blanches. Un grand remplacement en voleur, un fantasme séculaire finalement. En 1953, Joséphine Baker se souvient. Mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas, parce que les gens, moitié de la salle criait « embosser ». Et j'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants et toutes les jeunes gens criaient « succès ». Et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était de catastrophe. Et ceux qui combattaient, qui criaient « bravo », c'était des jeunes, parce qu'eux trouvaient que c'était, comme vous dites, un nouvel style. Prévu à l'origine pour 15 jours, le spectacle tient 6 semaines avant d'enchaîner au Théâtre de l'Étoile. Les Parisiens se prennent de passion pour cette femme qui chante la créole d'Offenbach et danse seins nus en faisant des grimaces. Et elle qui met son derrière en avant, qu'en pense-t-elle? Eh bien, lucide et provocante, elle dit « On aime beaucoup mon derrière à Paris. C'est à lui qu'on offre des bonbons et des fleurs. » Ce qui m'a le plus flatté est d'entendre dire qu'il est espiègle et spirituel. Au fond, mon succès n'a rien d'étonnant. Non, madame, il n'a rien d'étonnant. Il va même dépasser vos attentes. Le spectacle tourne donc en Europe. Et rapidement, Joséphine éprouve le désir d'être plus indépendante. Et puis, Paris lui manque. Alors, elle casse son contrat et propose en douce à Paul Derval, le directeur des Folies Bergères, sa propre revue. Ce sera la folie du jour. Nous sommes en 1926, Joséphine a 20 ans et elle reprend sa danse sauvage, munie cette fois d'une ceinture de banane autour des hanches qui s'agite à chacun de ses mouvements. Tant de candeur et d'impertinence électrise la salle qui en redemande. Joséphine devient une star. Non en dépit de sa couleur de peau, mais pour sa couleur de peau. Car c'est bien la Vénus noire que la société du spectacle encense. C'est ainsi que Cocteau la déclare idole de bronze, d'ironie d'or. Man Ray et Jacques-Henri Lartigue la photographie, Calder la sculpte avec ses fameux fils de fer. Max Jacob lui compose des poèmes. Elle devient la muse de Fulita, de Max Ernst, la maîtresse de Simenon et d'Ernest Hemingway, couche avec Colette, flirte avec le Corbusier, bref, elle vit, et elle vit libre, et tout Paris la désire. À tel point que bientôt une véritable beggarmania s'abat sur la France. Un phénomène qui impose son goût pour les cheveux plaqués, sa coupe en crop idéale pour les chapeaux-cloches. Un homme l'a bien compris, qui va l'aider à exploiter cette folie. C'est son nouvel amant, Giuseppe Abatino, dit Pepito, qui devient son impresario. Il la convainc de lancer des produits de beauté à son nom, le Baker Fix, une brillantine pour imiter sa coiffure, et le Baker Skin, une lotion pour bronzer. Sur France Musique, en 1987, Madeleine Milhaud, l'épouse du fameux Darius Milhaud, témoigne. Et puis ce personnage stupéfiant qu'a été, c'était une explosion, qu'a été Joséphine Baker à 19 ans. Personnage comique, irrésistible, avec un corps d'acier, superbe. C'est impossible d'oublier ça. Physiquement, comment se présentait-elle ? C'était la beauté. Était-ce un garçon ? Était-ce une fille ? C'était vraiment la statue en mouvement. Du reste, j'ai lu quelque part que la mode a changé, la mode féminine a changé cette semaine-là, que le lendemain, les couturiers ont été obligés de transformer leur modèle et de prendre une autre direction. Parce qu'elle présentait tout d'un coup un corps différent de ce que l'on imagine en pensant au corps féminin. Déjanté, ainsi Jeanne Morin et Paul Poiret se battent-ils pour l'habiller ce corps si étrange. Enfin, l'habiller, selon peut dire, vu la légèreté de ses tenues. Soudain riche, la voilà qui se fait servir par une femme de chambre blanche, des garçons de café blancs, promène son guépard chiquité en décapotable, achète son propre cabaret à Montmartre, chez Joséphine, puis une grande maison au Vésiné, bordée par une rivière. Et elle se justifie. Comme j'incarne la sauvage sur les planches, je m'efforce d'être la plus civilisée dans la vie de tous les jours. Quelle revanche en tout cas sur son enfance misérable. D'ailleurs, de fil en aiguille, rien ne lui résiste. Le cinéma lui confie des rôles et le compositeur Vincent Scotto une chanson qui deviendra son hymne. Paris, par toujours. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Au sommet de sa gloire, Joséphine Baker tente un comeback aux USA. Direction le Winter Garden Theatre de New York pour les Ziegfeld Follies. Ces chansons sont composées par Ira Gershwin, le frère de George. Les chorégraphies sont réglées par Balanchine. Elle y reprend sa danse sauvage, bien sûr, avec sa ceinture de banane. Et chaque nuit, les New Yorkais la dévorent des yeux. Mais les critiques sont féroces, comme en témoigne Salut Time. La nuance fauve de la peau nue de Joséphine Baker a fouetté le sang des Français. Mais pour nous, ce n'est qu'une jeune négresse aux dents de lapin dont le corps ne vaut pas mieux que celui de tant d'artistes de cabaret et qui se ferait évincer de partout hors de Paris. En somme, l'Amérique est vexée. Mais enfin, qui est cette femme qui nous donne des leçons ? En outre, une fois le show terminé, lorsqu'elle rejoint son hôtel, le Saint-Moritz, c'est par l'entrée de service qu'elle doit passer. Et les démons de son enfance ressurgissent. Lorsque Pépito Lucide lui dit « Je n'y peux rien si tu viens d'un pays d'arriérés où les Noirs sont considérés comme des chiens », elle lui répond « Eh bien, tu te contentes de peu ». Ce voyage aux États-Unis signe la fin de leur histoire. Émilie Guy. Joséphine rentre à Paris en mai 36, où elle est accueillie, grâce à Lazare, comme une vedette. Ce qui lui fait chaud au cœur, évidemment, d'autant que, durant l'automne, Pépito meurt. Et sans lui, elle va devoir réinventer sa vie. Nous sommes en 1938, et Joséphine, au sommet de sa gloire, s'inquiète de la montée des périls. Insidieusement, elle se voit mise à l'index par certains pour cause de dégénérescence négroïde. Soutenant Lalika, l'ex-Lycra, elle y rencontre Jean Lyon, un courtier juif qui n'a Dieu que pour elle. Ensemble, lors d'un séjour en Dordogne, ils tombent sous le charme du château de Milande, datant du XVe siècle, en surplomb d'une forêt de chênes. Ils s'y installent et décident de s'y marier. Enfin, un blanc qui accepte de l'épouser. Ce troisième mari lui permet d'acquérir, le 30 novembre 1937, la nationalité française. En outre, Joséphine attend un bébé, que bientôt elle perd. Alors, elle se noie dans le chagrin, erre dans le château, découvre que ce rôle de femme oisive ne lui convient pas. Non, sa mission, elle, c'est de combattre, de relever des défis. Il se trouve que la guerre arrive, elle va être servie. Joséphine commence par demander le divorce. Puis trouve un nouveau sens à son existence en entrant dans la résistance. Pendant que Mistinguett chante devant les Allemands, Joséphine préfère cacher au château son ex-belle-famille juive, ainsi que des maquisards et des armes. Comme elle le raconte, le 4 mai 1968, dans l'émission À cœur ouvert sur France Inter. Je me souviens très bien que ce colonel me disait « Mais pourquoi ne montez-vous pas à Paris ?» Vous savez que quand nous sommes tous arrivés à Paris, on a demandé, sachant que vous étiez populaire, que vous restez à Paris. Et j'ai répondu, monsieur le colonel, il y a partout des routes de la France et ailleurs des inscriptions qui se disent ni juif, ni noir, ni chien a le droit de monter sur Paris. Je suis noir. Et en plus, ce soir, je suis juive, étant donné que j'ai le cœur. Et c'est pour cela la raison que je ne pourrais pas monter. Mais c'est autre chose. L'autre chose, ce n'était pas possible, parce que je n'étais pas à vendre, je ne suis pas encore à vendre, et je ne serai jamais à vendre. Et puis, elle fait une rencontre décisive en la personne de Jacques Edbey, officier du deuxième bureau, comprenait les renseignements intérieurs. Elle lui déclare... C'est la France qui m'a faite comme je suis. Et je suis prête à lui donner ma vie. C'est donc décidé. Dès 1940, elle rejoint la France libre. Stratégie, se servir de sa célébrité pour glaner des infos lors de cocktails donnés en son honneur dans les ambassades. Maroc, Espagne, Portugal, elle sourit et tous tombent sous le charme. On tamponne son passeport, puis celui de son secrétaire, un petit bonhomme binoclard du nom de Jacques-François Hébert, qui porte ses bagages. En vérité, il s'agit de Jacques Apté, car l'idée est de la suivre dans les pays neutres, d'y glaner des renseignements et de cacher des messages écrits à l'encre invisible dans ses partitions afin de les communiquer aux agents gaullistes. Ou en cacher d'autres dans la doublure de ses soutiens-gorge. C'est ainsi qu'à Lisbonne, grâce à elle, Apté parvient à transmettre la photo des péniches que les Allemands ont conçues pour envahir l'Angleterre. Rien n'arrête plus Joséphine, pas même l'idée de passer son brevet de pilote alors qu'elle attend un nouveau bébé. Hélas, après avoir donné naissance à un enfant mort-né, elle contracte une grave infection et doit subir une hystérectomie, à l'issue de laquelle, bien sûr, elle comprend qu'elle ne pourra plus enfanter. Alors que faire ? Eh bien, lutter, toujours, en signant, je cite, « un engagement définitif pour la durée de la guerre ». Et ça marche, comme en témoigne la télé le 1er janvier 1944. Voici le commandant Duménil qui s'est enrôlé dès juin 1940. Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. À Alger, elle chante devant le général, pour qui elle déploie, au son de la Marseillaise, un grand drapeau français de 6 mètres de long avec sa croix de Lorraine. Touchée, de Gaulle lui offre cette même croix de Lorraine, mais en forme de médaille d'or. Désormais officier de propagande, elle obtient le feu vert pour sillonner le Proche-Orient et finit la guerre en tant que lieutenant, décoré de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance. Happy End pour Joséphine ? Loin de là. En 1947, elle épouse le compositeur Jo Bouillon au château de Milan, celui-là même qu'elle louait avec son ex-époux Jean Lyon, le jeune courtier. La télévision s'en fait l'écho. Sous d'autres cieux, le château des Mirandes, que l'on dirait sorti d'un conte de fées, abrite les épousailles de Joséphine Baker et de Jo Bouillon. Noce campagnarde, où l'offrande rituelle du vin et de la soupe à l'oignon aux mariés maintient une tradition aussi vieille que le donjon du château. Bon vieux donjon si solennel, qui n'avait jamais assisté à un mariage de vedettes. Et elle l'adore, ce château. Elle le surnomme « Mon château de la Belle au bois dormant ». Pour lui, elle dépense sans compter. Elle y magnifie le parc et multiplie les salles de bains extravagantes. L'une d'elles propose des murs de porcelaine noire et des carreaux en pâte de verre de Murano peints à la feuille d'or, ainsi que les couleurs de son parfum « Arpège » de Jeanne Lanvin. Dans une autre, c'est le plafond qui est recouvert d'un papier peint représentant les fauteuils rouges d'un cabaret parisien. Rien n'est assez beau. Et son dressing illustre son parcours avec ses tenues de plumes et de froufrous. Des robes qu'elle emporte avec elle outre-Atlantique, où elle est de nouveau invitée à chanter, notamment en Floride, l'un des états du sud de l'Amérique beauf, réactionnaire et encore empreinte d'esclavagisme, voire nostalgique pour les pires d'entre eux. Mais cette fois, Joséphine pose ses conditions. Elle ne chantera que si les Noirs sont admis dans la salle. Et c'est ainsi que, pour la première fois de l'histoire américaine, des Noirs, effectivement, peuvent s'asseoir au même rang que les Blancs. Le triomphe est tel que de nombreuses autres salles la réclament. Los Angeles, Las Vegas et même Saint-Louis, le lieu de son enfance misérable. Alors, Joséphine se sent pousser des ailes. Elle soutient un jeune Noir condamné sans preuve pour le viol d'une Blanche et condamne les propos racistes d'un patron de boîte de nuit. Jusqu'à cette nuit au Stand Club de New York, où elle constate qu'on ne la sert pas parce qu'elle est noire. Le lendemain, l'affaire s'ébruite et une manifestation s'organise. Les militants bloquent la porte d'entrée du club devant une nuée de journalistes. Et très vite, l'affaire devient politique. À la Maison Blanche, Joséphine dérange. D'autant qu'elle fréquente les époux Perron, à Buenos Aires, et s'engage auprès de Fidel Castro contre Batista. Le 18 février, elle est interrogée par les services de renseignement militaire qui lui rappellent sa sympathie pour Léon Blum, sa tournée en URSS, bref, pas net. L'ambassadeur français la fait libérer. Il n'empêche, un dossier pour sympathie communiste est ouvert par l'ineffable Edgar Hoover, le patron du FBI, agressif et parano. Joséphine est désignée par ce monsieur ennemi des États-Unis. Terrassée, elle rentre dans son château, avec dans ses bagages sa sœur Margaret, sa mère Carrie. Ici, au micro de Marcel Sauvage, une archive rare qui date du 1er janvier 1949. Truly, I do thank the French people for being so kind and courteous to my daughter, Josephine. This, who is speaking now, is the mother. I have been here about 6 months, and truly that I'm very, very glad to be here. I found out, since I've been here, that the colored people is treated very nice and sweetly, and I'm glad to be here. I thank you. Voilà, il ne manque des enfants. Joséphine ne peut pas en avoir, on l'a dit. Eh bien, elle en adopte 12. Oui, 12, qu'elle élève dans ce décor de conte de fées. Il y a là 2 Japonais, un Finlandais, un Colombien, 2 Parisiens, un Israélien. Puis arrivent 2 Algériens, un Ivoirien, une Vénézuélienne. Jo Bouillon s'enfuit, elle le remplace par une petite Marocaine. Pas une tournée sans qu'elle ne revienne avec un enfant dans les bras. Chacun d'eux est scolarisé à l'école du coin. Tous grandissent avec les gosses du village et en été rencontrent Fidel Castro ou le pape. Bonne pioche pour des enfants adoptés, surtout à l'époque. C'est dans ce château qu'en 1961, on lui décerne la Légion d'honneur, entourée de ses enfants et de nombreux journalistes. Elle est si fière de sa tribu arc-en-ciel, comme elle la nomme, et pour qui elle fait des folies, crée un parc d'attractions, un des premiers en France, acquiert des animaux en pagaille, un mini-golf, un théâtre, achète la chapelle mitoyenne, 2 hôtels, 2 restos, 1 usine de foie gras. Au total, elle gère plus de 120 employés avec une grandeur légendaire. C'est-à-dire que, n'étant pas frauduleuse elle-même, elle refuse de croire qu'on puisse la tromper. Et là, certains fournisseurs n'hésitent pas à lui présenter 2 fois la même facture. Et voilà qu'elle se révèle une piètre gestionnaire. Nobody's perfect. Oui, sauf que, peu à peu, ses dettes deviennent abyssales, comme elle s'en inquiète ici en 1960. Ce problème des Midlands est un problème très grave pour vous. Vous y pensez souvent. Qu'est-il devenu ? Là, là, je pense bien que c'est grave. C'est grave parce que je veux pas lâcher, comme je suis tenace. Je suis tenace parce que c'est un idéal tellement profond, extraordinaire et merveilleux que ce serait dommage de le perdre. Et comme je suis justement convaincue que j'ai raison, je ne lâcherai pas. Dès lors, elle peut vieillir tranquille. Mais en juin 64, une saisie judiciaire a lieu sur les meubles du château. L'eau et l'électricité sont coupées. Il manque à Joséphine des millions de francs pour faire face à ses créanciers. Alors, une mobilisation s'organise, notamment grâce à Brigitte Bardot, bouleversée par sa fin dramatique. Le 4 juin 64, la star s'invite au JT. Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Parce que j'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment, nous ne devons pas la laisser dans cette situation. C'est pourquoi je vous demande à tous aujourd'hui de faire le maximum de vos possibilités pour venir en aide à Joséphine Baker. Vous savez que mardi, on doit vendre le château des Midlands. C'est-à-dire que cette femme va se retrouver avec ses 11 enfants, sans maison, sans toit et sans argent. Elle a adopté ses 11 petits-enfants, qu'il appelle tous maman et qui sont vraiment ses petits-enfants, qui sont forcés d'aller, on ne sait pas très bien où, quand elle n'aura plus sa maison. Alors, je crois que chacun, dans la mesure de vos possibilités et de vos moyens, vous devez aider Joséphine Baker. Stars et chefs d'État mettent la main à la poche. Fidel Castro, le prince de Monaco, l'impératrice d'Iran, Hassan II, Ben Bella, Golda Meir et le général de Gaulle, qui écrira dans ses mémoires « Je n'ai jamais oublié comment, lors des années d'épreuve, Mme Baker a su manifester sa confiance dans l'avenir du pays et maintenir son effort. » De quoi repousser l'échéance, mais sa fortune s'y engloutit. C'est ainsi qu'en 1968, le château est vendu pour 120 000 francs, soit 1/10 de sa valeur. Le 11 mars 69, à l'issue de la trêve hivernale, Joséphine en est expulsée après avoir passé 3 jours barricadée dans sa cuisine. Les images feront le tour du monde. Elle s'installe alors avec ses enfants sur l'avenue MacMahon à Paris et multiplie les galas pour les nourrir. Mais elle ne peut s'empêcher de mener une vie dispendieuse en dînant régulièrement au très onéreux Café de la Paix. Les enfants eux-mêmes s'inquiètent de ses factures salées et lui demandent de se calmer. Mais d'ailleurs, quel genre de mère est-elle ? alors qu'on l'imagine fantasque et permissive, elle se révèle pudique et très conservatrice, comme en témoigne son fils Brian Bouillon-Baker dans Le Parisien. Elle nous parlait très peu de son passé ou de la guerre, ni d'avant, quand elle était danseuse de music hall. Quand on la voyait à la télé avec sa ceinture de banane, elle disait que c'était quelqu'un d'autre. En tant que maman, c'était la pudeur incarnée. La seule chose dont elle voulait bien nous parler, c'était la façon dont elle nous avait adoptés. Ou alors, imaginer notre avenir. Brian sera expert comptable parce qu'il est doué en calcul. Akio, diplomate. Moïse, avocat. Jean-Claude, notaire. Pas question de cours de danse ou de musique, ni même de regarder ses shows à la télé. Aller au théâtre ? Deux fois seulement. En 68 pour saluer Jean-Claude Brialy et à l'Olympia pour aller la voir elle. C'était une première pour elle qui cachait ses robes à paillettes dans le grenier du château. Sinon, c'est resto ciné, pensionnat chez les jésuites pour les garçons et l'école de la Légion pour les filles. Le 9 avril 1975, après avoir fêté ses noces d'or avec la Seine, elle rentre à son hôtel, lit les critiques élogieuses dans la presse et s'endort satisfaite. Réalise-t-elle qu'une congestion cérébrale la terrasse ? 3 jours plus tard, en effet, elle s'éteint à la Pitié Salpêtrière. C'est Bobineau qui règle la facture de son cercueil puisque son héritage, au sens notarial, est de 0 centime. Mais au sens artistique et politique, il est immense. Dans les rues de Paris, là où 50 ans plus tôt elle avait fasciné le public, 20 000 personnes applaudissent son cortège en route vers la Madeleine. Ils sont venus par milliers pour pleurer celle qui a enchanté leur jeunesse. Cette grande vieille dame disparue qui 8 jours avant les stupéfiait encore par son talent, par son courage. Cette petite fille d'esclave noire qui a conquis le monde par sa générosité de cœur, comme le rappelle dans son homélie le curé de la Madeleine. Jo Bouillon, son mari, conduit le deuil, entouré de 3 des 12 enfants adoptés. Mais le tout Paris est là encore. Brialy, Hélène Renaud, Sophia Loren, Elie Farr, Blié, Villalonga et bien d'autres encore. Mais cet office religieux est également un hommage officiel du gouvernement. Au premier rang de l'assistance, le représentant personnel du président de la République, la princesse Grâce de Monaco, des officiers généraux, des délégués, d'anciens combattants, des FFL, sont là aussi pour rappeler à tous que Madame Baquer a eu un passé militaire glorieux. Comment est-il possible de si mal naître et de mourir si joliment, se demandent certains. Ce jour-là, au-delà du chagrin national, Jo Bouillon, son 4e mari, déclare « C'était un volcan, un incendie, un rossignol. » Comme si quelqu'un lui avait dit également, tant elle a eu du courage tout au long de sa vie, « Osez, Joséphine !» Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Dans mon village, tous 5 ils m'aimeront. Dans mon village, tous 5 ils grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront les 2 amours. Ce beau village, et puis celui de leur pays. L'un d'eux est couleur de la nuit, les 2 autres sont le sel du jour, le 4e est couleur du sang, le dernier couleur du soleil, mais tous les 5 sont mes enfants, et mon cœur de maman les aime tous autant. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage et symbole d'amour, ici-bas, sans occuper de leur couleur, n'avaient qu'un cœur. Tous les villages alors seraient heureux. Peu à peu, le monde entier serait meilleur et deviendrait un grand village où tous les hommes Joséphine Baker a deux amours, on le sait, notamment Catele Bocquet, que je reçois aujourd'hui. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes les auteurs, Catele Bocquet, de Joséphine Baker, un roman graphique tout en noir et blanc. Mais alors, que de choses à lire, quelle histoire. Bah, grosso modo, c'est l'histoire qu'on a racontée, sauf que là, elle est illustrée. Alors, vous répondez à la question, je ne vais pas distribuer la parole, hein. Vous prenez la parole quand vous voulez. Alors, je le dis aux auditeurs, la voix féminine, c'est Catel, la voix masculine, c'est Bocquet. Voilà. Voilà. Alors, on peut faire une bande dessinée, un roman graphique sur plein de grands personnages, hein, notamment des personnages français, et qui viennent d'ailleurs. C'est aussi la richesse de la France. Vous avez choisi Joséphine Baker. Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Ben déjà, vous avez raconté son récit et on se demande pourquoi on n'en a pas plus parlé avant, d'une certaine façon. Et aussi, ça fait longtemps qu'on avait envie, puisqu'on travaille sur ce qu'on appelle, nous, les clandestines de l'histoire, c'est-à-dire des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas forcément vraiment gardé en mémoire. Et jusque-là, Joséphine n'avait pas vraiment été gardée en mémoire, hormis la femme glamour du music-hall, mais pas du tout la femme qui avait marqué c'est son action de résistance et puis son expérience incroyable avec ses enfants. Donc, on y pensait, mais on se sentait pas forcément légitime pour parler d'une femme américaine, noire, arrivée en France. Bon. Et un jour... Sauf qu'elle est française comme vous et moi. Elle est française, mais est-ce que moi, en tant que blanche européenne, je peux parler de l'histoire d'une petite artiste noire ? Mm-hmm. Et un jour, un certain Jean-Claude Bouillon me téléphone en me disant « ça serait bien que vous fassiez ma mère en bande dessinée, j'ai lu vos bandes dessinées ». Et il parle de Paul Colin, et je lui dis « mais qui êtes-vous exactement ?» Il dit « je suis Jean-Claude Bouillon Baker, le cinquième de la tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker ». Et là, bien évidemment, dès le lendemain, on avait rendez-vous pour parler, et il m'a répondu à mes questions en disant « vous savez, ma mère, son combat justement, c'était de ne pas voir les couleurs. Donc peu importe que vous soyez blanche, jaune, rouge, ce qu'il faut, c'est savoir dessiner. Et vous dessinerez dans l'esprit de Paul Colin, notre maman ». Alors, Catel, c'est vous qui dessinez. Comment vous avez décidé de la dessiner, justement ? Parce que Joséphine Baker, c'est un talent, c'est une voix, c'est un chant, c'est un corps, surtout. Pas surtout, c'est aussi un corps. Mais c'était toute la difficulté, arriver, parce qu'en plus, le défi était des enfants de Joséphine, de me demander de faire une sorte de Tintin en bande dessinée, c'est-à-dire qu'avec quelques traits, je devais faire leur maman ni trop réaliste, ni trop caricaturale, quelque chose de simple et de très expressif. Donc j'ai fait plusieurs croquis, et puis je leur ai présenté, on en a parlé, j'ai rectifié, puis un jour, on s'est mis d'accord sur ce personnage-là. Et en couverture, on voit le... Je vous donne la parole tout de suite. Oh, tout va bien. En couverture, donc on voit Joséphine Baker dans une position de danse, hein, totalement encombrée, le corps et la tête en arrière, le collier de banane, évidemment. Oui, c'est une représentation classique, on dira, mais efficace. Mais c'est la seule qu'on connaissait au départ. Ouais. Mais l'idée, c'était aussi de montrer ce qu'il y avait derrière, le pagne, puisque là, c'est plus un pagne que la ceinture de banane. Et nous, ce qu'on a découvert au-delà de l'artiste, c'est l'humaniste. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, vous avez ouvert votre texte sur la marche sur Washington. Oui. Quand nous, on a commencé à travailler, même les biographies de Joséphine Baker parlaient à peine de cette marche sur Washington. C'est alors fou, ça, que c'est l'apogée de son combat. Mmh. Elle est depuis, vous le citiez aussi, depuis 1918 avec les émeutes raciales à Saint-Louis, elle a toujours été extrêmement sensible à la question de la ségrégation. Donc pour elle, arriver à Washington, c'est un grand moment qui est complètement occulté. Ça a été très compliqué même de retrouver le discours. C'est pourtant un livre qui date de seulement 3-4 ans. Mais à l'époque, on avait complètement occulté le fait qu'elle était présente derrière Martin Luther King, qu'elle secondait, enfin qu'elle appuyait depuis longtemps déjà. Et à l'époque où vous avez décidé d'écrire, de confectionner ce livre, il n'était pas question de panthéonisation. Non, à la sortie du livre, ça n'a rien à voir, mais effectivement, Régis Debray a été le premier à dire « Mais il faudrait que Joséphine Baker, qu'il a bien connue dans l'entourage de Fidel Castro, bien évidemment, oui, Régis oui, Debray. » C'est comme sûr. Ça qu'ils se sont connus au moment de la... Donc c'est lui qui a vraiment lancé l'idée. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand elle était panthéonisée? Pour vous, c'était quand même flatteur. Vous avez travaillé sur Joséphine Baker. Qui veut répondre? Elle est panthéonisée. C'est une victoire aussi pour vous. Et tant mieux d'ailleurs. On est tous contents. Hein. C'est marrant parce que quand Régis Debray a été le premier à en parler, évidemment, ça avait fait écho dans la famille Bouillon Baker. Mmh. Et tout à coup, tout le monde s'est dit mais oui, et pourquoi pas? Mais en même temps, ça semblait quand même très loin du désir jusqu'à la réalité. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement surpris. On a même été sous le choc toute la journée, parce qu'on n'arrêtait pas de recevoir des mails et des SMS en me disant bravo, bravo, bah oui, comme si c'était nous. Bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Mais c'est une consécration pour Joséphine, évidemment, et pour nous derrière, parce mais que oui. De l'avoir choisi à un moment où les gens n'était pas spécialement intéressé. On se rendait compte que quand on a débuté le livre, c'était en 2012, quand on en parlait autour de nous, les gens ne savaient plus qui elle était, souvent. Hein. Mmh. Les jeunes générations, pas du tout. Et les plus vieilles connaissaient éventuellement la femme, l'icône ceinture à banane. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mise sur la couverture, parce que c'est l'image qui reste d'elle, qui restait d'elle à ce moment-là. Sinon, on n'arrivait pas à la relier à quelque chose. C'est la première star noire de couleur internationale, et star par cette ceinture de banane nue qu'aucune blanche n'aurait pu porter. Donc c'était une image assez rétrograde, en réalité. Et finalement, aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on change la couverture, parce que maintenant, tout le monde connaît Joséphine, combattante, militante des droits humains. Sortez-le en poche et changez de couverture. Voilà. C'est ce qui a été formidable avec la panthéonisation, c'est-à-dire que quand notre livre est sorti, soit les gens connaissaient pas du tout Joséphine Baker, soit ils la connaissaient mal. Mmh. Grâce à cette panthéonisation, tout à coup, Joséphine, on s'est intéressé à ce que tout le monde avait oublié sur elle, c'est-à-dire la résistante, l'humaniste, la tribu arc-en-ciel, ouais, et la marche sur Washington. Ouais. Voilà, ces deux sont devenus... La résistance, c'était quelque chose qui se disait quand même. C'était le seul point saillant, mais il y en a d'autres, et vous l'avez dit, le combat pour les Noirs. Voilà, exactement. Alors, on dit souvent, et à juste titre, que ce pays, comme les autres, tire sa force aussi de son immigration, hein, de l'apport, de richesses extérieures. Alors, on cite tout un tas de gens, et il y a de quoi faire en France. On ne citait pas assez Joséphine Baker. Elle va entrer maintenant, dans le panthéon des références de cette immigration qui enrichit un pays. Oh, oui. Oui, c'est un symbole, hein, aujourd'hui, évidemment. C'était le meilleur symbole qu'on pouvait trouver. Une immigrante pauvre, de couleur, qui devient une star française internationale, par la seule force de son travail et de sa personnalité, de son charisme. Donc, bien sûr, c'est un modèle énorme pour les jeunes, pour les filles aussi, de voir qu'on peut s'émanciper de cette façon-là et qu'on peut représenter, incarner les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, ce qu'elle a vraiment été totalement en tant que femme. Et j'aurais envie de dire aux grandes femmes maintenant, oui, la panthéonisation. Parce et que la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante qui est sur le fronton du panthéon. Il faudrait dire aux grands humains, comme on ne dit plus les droits de l'homme, parce que ce sont aussi ceux de la femme. Hein. C'est ça le problème. Mais il y a des héros hommes aussi, donc on va dire... Aux grands humains. Aux grands humains. Aux grands êtres. Aux grands êtres. Concernant maintenant son talent artistique, parce que c'est bien aussi sa vie civique, son engagement, c'est absolument formidable. Mais quel est votre regard sur son talent artistique? Elle est restée une grande artiste. À cette occasion, on a réentendu la plupart de ses grands tubes, et en particulier... J'ai deux amours. Est-ce que ça ne reste pas un classique de la chanson française? Si, bien sûr, bien sûr. Et elle est la seule à pouvoir l'interpréter de cette manière-là. C'est la chanson qui lui colle à la peau, si je puis dire. Mmh. Oui, et puis la danse aussi. Elle avait une force vitale et une souplesse. Et ce qui était très intéressant chez elle, c'est qu'elle arrivait à allier la grâce et l'humour. Ce qui ne va pas forcément ensemble, même très difficilement ensemble. Et je crois que s'il n'y a pas eu de film sur Joséphine jusque-là et d'autres représentations, c'est qu'on ne trouve pratiquement pas d'interprète qui sont capables d'allier ces deux choses-là. Mais c'est tellement extraordinaire. Votre BD plus une affaire sensible, ça devrait donner un film? On espère bien. Il y a des équations, des équations comme ça. Le château. Alors le château, l'arc-en-ciel, les gamins, ça c'est un pan très attachant, très, très, très important de la vie de Joséphine Baker. Pour vous, ça tient quelle place? Pour nous, c'est l'essentiel même, hein, je crois, parce que grâce à Jean-Claude, on a pu aller dans le château, et Jean-Claude nous a ouvert, avec sa clé en fait personnelle, l'intimité de sa maman et de cette tribu arc-en-ciel. C'était la chose extraordinaire, cette intimité. Et ce qui est assez intéressant avec le château lui-même, c'est que ça représente finalement tous ces fantasmes de petite fille. N'oublions pas qu'elle est née à Saint-Louis, c'est sans doute la ville au monde où il y a le plus de statues de ce roi français. Ah. Et vous le soulignez tout à l'heure qu'elle allait travailler dans les maisons des riches bourgeois. Les riches bourgeois, c'est toute la colonie allemande. Et ils construisent des maisons de quelle manière? Avec des fenêtres en ogive et avec des petites tourelles. C'est à ça que va ressembler, alors qu'elle est l'amie de Le Corbusier, d'Adolphe Loos, c'est-à-dire des plus grands architectes modernistes du XXe siècle. Elle va aller acheter le beau chêne au Vésinet. Et puis surtout, ce château médiéval dans lequel elle va se transformer en princesse. Dans le Périgord, oui. À côté de Bénac et nos autres châteaux qui sont merveilleux. Voilà, c'est à côté belle, devenue la vraie princesse de son conte de fées d'enfants aux États-Unis. Comment vous travaillez-vous? Vous avez un petit carnet, c'est un carnet de voyage. Alors, vous êtes allé sur tous les lieux où elle a vécu pour que les dessins soient le plus réalistes possible. Voilà, alors je suis partie avec Bokeh. On voyage beaucoup toujours pour retrouver nos héroïnes sur leurs traces. On va voir, regarder, s'imprégner. J'ai des dizaines de petits carnets Moleskine, des petits d'ailleurs. Avant, je travaillais sur des grands carnets, mais quand j'ai rencontré Cabu, il m'a dit « Diminue le format de ton carnet parce que tu pourras aller partout sans être vu. » Donc je mets mon petit carnet dans un sac à main et partout je prends des notes. Et j'ai des dizaines de carnets comme ça où je prends des notes, je dessine des architectures, je note des phrases, tout ce qui me tombe sous la main qui pourra servir à la bande dessinée et tout mon travail. Et Bokeh, concernant la trame scénaristique, vous avez choisi quelle méthode ? Tout le travail, d'abord tout lire ce qui a pu être écrit sur Joséphine et ce qu'elle a pu écrire elle-même. Et la grosse difficulté finalement avec Joséphine, c'était d'arriver à faire le tri entre le vrai, les rumeurs, les légendes, des légendes parfois contradictoires propagées par elle-même. Donc tout le travail était là, c'était d'arriver à trouver quand même la source de justesse et de vérité dans tout ce qui a pu être écrit sur elle. Le choix du noir et blanc, c'est une métaphore d'une histoire noir et blanche finalement. Alors, c'est le principe aussi du roman graphique, ouais, qui est de travailler en noir et blanc. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir faire des livres de 400 pages. Hein, la bande dessinée classique, elle fait plutôt 46 ou 52 pages en couleur cartonnée. Là, on reprend tous les attributs du roman. Bah, le roman, c'est aussi... c'est aussi la typographie en noir et blanc. C'est vrai, voilà. C'est de l'encre noire, sur des pages blanches. Sauf que là, les signes sont tracés par Cattel. Et donc, le distinguo entre roman graphique, bande dessinée, parce que parfois on manque un peu de rigueur dans les termes. Hein, pour nous, c'est la même chose, puisque c'est le même moyen d'expression. Oui, mais vous dites noir et blanc. C'est le format. C'est le format, le roman graphique. C'est le format qui... Ça nous permet de faire une plus grosse pagination, exactement. Parce qu'une vie, ça ne se résume pas en 50 pages. Bien sûr, surtout une vie comme ça. Hein. Voilà, donc c'est un vrai roman, c'est épais, mais c'est plus petit qu'une bande dessinée classique en format en taille. Mais c'est plus épais. Je vérifie, là, ça fait 560 pages. Ah ouais. Mais avec des petits chapitres, ça se lit facilement. Mais oui, bien sûr, mais évidemment. Et puis c'est vrai que le dessin aide aussi à entrer dans l'univers. Je feuillette en même temps, il y a effectivement des personnages, des expressions, des visages qui sont saisissants. Ça s'appelle Joséphine Baker, hein, tout simplement, Casterman écriture, Cattel et Bokeh. Bravo. Et puis merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Nous parler de Joséphine Baker et de l'œuvre que vous avez constituée autour d'elle. Merci madame, merci monsieur. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Joséphine Baker, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.